Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Côté Association numéro 38. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Métivier qui va nous parler pendant une heure à peu près de la Paillotte qui se situe à Orléans, quai de Prague. On va en parler pendant une heure tous ensemble. Le temps de que tout le monde s'installe tranquillement et qu'on prépare l'émission sereinement. On va écouter un petit peu les HK et les Saltimbanques. Je vous propose d'écouter Dounia et on se retrouve juste après ça. Une fable que vous lirez peut-être. Cette terre et ce sable sont ceux de mes ancêtres. Ici même j'ai grandi au bord de ce désert, à l'ombre des bandits sous l'arbre millénaire. Dounia, Agalankani Dounia. Un jour par un vent froid, ils ont atteint ma porte. Ils voulaient entrer chez moi, ils voulaient que j'en sorte. Vous apprendrez qu'ici, cher monsieur, tout s'achète. Vous pourrez pour ce prix nous rembourser vos dettes. L'homme libre a répondu, partez sans plus attendre. Ces temps sont révolus, je n'ai pas de compte à vous rendre. Le puits que vous voyez, je l'ai creusé de mes mains. Et ces mains, vous savez qu'elles ne vous doivent rien. Dounia, Agalankani Dounia. Oh Dounia, Kelemani Dounia. Dounia, Dounia, Agalankani Dounia. Oh Dounia, Kelemani Dounia. Les brigands, je crois, ont su trouver les arguments. Des soldats sous mon toit, sur ordre du président. Les villageois, mes amis, sortent un à un de leur maison. Ici même, aujourd'hui, va naître une révolution. Yeah. Daniela. Fabien Dumas présente Côté Association, une émission consacrée aux associations locales, le jeudi de 14h à 15h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et voilà, l'émission Côté Association numéro 38 est lancée. Les 14h06, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel, le 96.2 FM de la bande FM sur Orléans et l'agglomération orléanaise. L'émission se consacre évidemment chaque semaine à des associations qui œuvrent dans le champ du médico-social, de la culture, de l'écologie, du social également, de la citoyenneté. Bref, on essaie de balayer le plus large possible le champ des possibles également dans cette émission. Et aujourd'hui, on va parler culture, on va parler de la paillote parce que c'est l'été qui arrive bientôt, même si allez, le temps va me faire dire le contraire, mais voilà, l'été arrive et forcément avec le temps, l'été qui arrive, les paillotes aussi poussent tout au long de la Loire et c'est tant mieux. Donc là aujourd'hui, on reçoit Arnaud Métivier pour la paillote qui se situe quai de Prague, qui a ouvert je crois fin mai. Alors on va prendre quelques instants après pour qu'Arnaud se présente tranquillement, mais si vous voulez interagir avec nous pendant l'émission, c'est possible via la page Facebook de l'émission, c'est Côté Association l'émission. Vous avez le standard également de l'émission pour nous parler, c'est le 02 38 43 48 00. Bref, maintenant vous savez tout, on peut démarrer l'émission, allez, d'ici quelques secondes. Côté association, Fabien Dumas, Radio Arc-en-Ciel. Donc je vous le disais, on est en présence dans les studios d'Arnaud Métivier qui est là pour nous parler de la paillote à Orléans. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui Arnaud? Ça va très très bien, vraiment bon. très bien. Eh ben tant mieux. Alors peut-être que pour démarrer l'émission, pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore, je vais te laisser peut-être te présenter en quelques mots, simplement pour les auditeurs d'Arc-en-Ciel. Bien, ma vie a commencé autour d'un accordéon, en fait, je suis devenu, avec l'âge, un musicien professionnel, qui a accompagné beaucoup de chanteurs, qui a fait ses propres projets musicaux, et la musique m'a amené au théâtre, elle m'a amené à la danse, je suis devenu comédien, je suis devenu danseur, et je suis devenu également créateur d'événements artistiques à Orléans et puis ailleurs, hein, puisque toutes ces activités ont lieu à travers le monde. Très bien, donc un beau portrait que tu viens de nous dresser là. Donc on va se concentrer sur Orléans et la paillote qui existe depuis quelques années, mais précisément Arnaud, depuis quand existe la paillote à Orléans? Elle existe depuis 2015. Hein. La paillote, le sous-titre c'est « Espace culturel de plein air ». Espace culturel de plein air, c'est l'intention première. Ouais. Donc il s'agit d'amener de la culture gratuite au bord de la Loire à Orléans, et une culture un peu différente, un peu singulière, tout simplement, dans un lieu que je nomme le point de vue, parce que c'est de ce lieu que sont prises toutes les photographies, les cartes postales d'Orléans. C'est vraiment un point de vue sur cette ville que l'on reconnaît partout, c'est-à-dire le fleuve Loire avec des îles, un vieux pont de pierre, une vieille ville et une cathédrale en fond. En arrière-plan, oui. On dira que sur ce point de vue, il ne manque qu'une statue de Jeanne d'Arc et on a vraiment la carte postale. Alors, nous n'avons pas la statue de Jeanne d'Arc en point de mire, c'est pas très grave. Oui. Mais en tout cas, le panorama est exceptionnel. Et moi, il me plaît de créer et d'inventer le monde dans les lieux vraiment endémiques de la Terre, les lieux vraiment singuliers de la Terre. Il me semble que sur Orléans, le lieu le plus original, qui se démarque le plus des autres villes, des autres territoires, c'est la Loire et les îles oui. de Loire. D'où m'est venue l'idée d'abord de créer la fête des Duits, Rafraîchissements artistiques, c'est son sous-titre, qui a lieu depuis 9 ans. Autour du 15 août, pendant 6 jours autour du 15 août. Cette année, la fête des Duits, rafraîchissements artistiques, aura lieu du 14 août au 19 août. Et ça se passe sur une île au milieu de la Loire, où l'association Nanoprod, puisque nous parlons d'association, mes projets sont aidés par cette association, par des bénévoles. Et donc, avec l'association, nous mettons pour la fête des Duits en place un ponton flottant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a un accès original. Ah, quand même. Oui, sur la Loire, c'est rare. Oui, c'est parce qu'on ne le voit pas souvent. C'est rare de marcher sur l'eau pour aller sur une île de Loire. Et nous le faisons. Donc, l'installation d'un ponton flottant qui permet de rejoindre une île. Le ponton, il fait 150 mètres de long. Mmh. On se retrouve au milieu de la Loire sur une très grande île. Et au milieu de la ville, c'est ça qui est exceptionnel. Oui. On est en pleine nature, mais entouré de la ville. Oui, entouré de 300 000 personnes. Mmh. Et là, le public, pour la fête des Duits, il parcourt un sentier que j'ai dessiné dans le concept d'un safari. C'est-à-dire, un safari, on va à un endroit, mais on n'est pas sûr de voir les animaux sauvages. Ils sont peut-être en train de dormir, en train de chasser, en train de faire popo, on ne sait pas. Mais on y va quand même. Eh bien là, c'est le même concept pour la fête des Duits, un safari artistique. On va sur cette île et en parcourant un chemin qui fait 1,4 km, mais peut-être qu'on va croiser des artistes qui peuvent être des musiciens, des comédiens, des danseurs, des circassiens, des gens du cirque, ou des sculptures, ou des œuvres d'art contemporain. En cheminant, on peut croiser toutes ces choses-là ou pas, puisque c'est un safari. Donc, les artistes aussi, ils partent à la chasse, ils dorment, ils mangent des fois. Donc, Mais est-ce qu'on peut s'y perdre sur ce chemin d'un kilomètre 400? Non, l'idée. Quand je dis s'y perdre, c'est aussi rêver. C'est concrètement, on ne peut pas s'y perdre. Mmh. Hein, l'objectif est vraiment de s'y perdre et vraiment de basculer. En franchissant ce ponton flottant, de basculer vers un autre monde, vers d'autres concepts, d'autres langages, d'autres émotions que nous n'avons pas sur le quai. Oui. Voilà. Cette île, elle autorise la fantaisie, le rêve, déjà par son existence d'île, l'artiste est juste là pour la faire remarquer, pour l'embellir peut-être des fois, ou pour la questionner aussi. Il y a toujours un point d'interrogation au-dessus du fleuve lors de la fête des Duits, un grand point d'interrogation qui fait 7 mètres de haut, qui flotte dans l'air, que j'ai construit, et qui est là pour rappeler que un des rôles de l'artiste, au-delà du divertissement, c'est de questionner, le monde. Et cette chose est importante parce que l'artiste n'a plus beaucoup de place dans la société pour questionner le monde. La gente politique le fait, les terroristes le font, interroger le monde à leur manière, mais les artistes deviennent absents, ils deviennent absents des débats, on les questionne plus, et eux ne questionnent de moins en moins le monde comme on a pu le connaître au XXe siècle, où l'artiste était très présent, quand Bob Dylan sort un album, il questionne le monde, Il questionne le monde, et j'ai envie de dire que l'œuvre même de l'artiste peut aussi questionner la personne en tant qu'individu. Ah, complètement. Ça réagit en miroir avec l'individu. Ah, bien sûr. Qui le lit, qui l'écoute, qui le regarde. Tout à fait. Quand je dis le monde, je dis chaque individu, évidemment. Donc, ce grand questionnement qui fait qu'il y a toujours ce grand point d'interrogation au-dessus de la fête des Duits, au-dessus de la Loire, autour du 15 août, et que il s'agit de se perdre aussi, de se perdre dans les idées, de se perdre dans nos convictions aussi, toujours les remettre en question. C'est pas parce que nous n'avons pas aimé le plat de tata Annick le jeudi que le vendredi on ne l'aimera pas. Peut-être essayer, re-questionner ces choses-là, pourquoi on n'aime pas, et tout ça amène, je l'espère, à plus d'altérité, à plus de respect pour l'autre, à plus de connaissance de l'autre, à moins d'obscurantisme qui naît petit à petit, là, à nouveau, au XXIe siècle. Tout ça a une fonction, voilà. Moi, je l'utilise, cette fonction de créer des événements, questionner le monde, et je peux dire, puisque je me présentais il y a quelques minutes, mon propos c'est un petit peu radicalisé lorsque j'ai perdu un ami cher lors des attentats de Charlie Hebdo. Il s'agit de Tinius, dessinateur, journaliste. Ouais. Et là, tout d'un coup, la fonction de créateur, elle est remise en question. Violemment, oui. Dans la société et en moi également. Oui. Est-ce que je ne fais que du divertissement, c'est-à-dire je joue de l'accordéon et tralala, tralala, le monde est joli, c'est chouette aussi, mais questionnons le monde aussi. Mon propos s'est radicalisé à ce moment-là. Je n'ai jamais été Charlie, je n'ai jamais manifesté avec un bandeau « Je suis Charlie », mais en tout cas... je suis un créateur qui souhaite questionner le monde comme l'ont fait ces pauvres disparus qui ont été tués par un manque de culture, tout simplement, quoi, par des jeunes qui perdus, radicalisés ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ça correspond à un manque de culture. Les événements que l'association NanoProd m'aide à créer sont dans cette direction de l'altérité, de la cultivation, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire aider l'autre à se cultiver, à s'auto-cultiver. Et donc, ces projets s'appellent la fête déduit rafraîchissements artistiques, donc pour rafraîchir un peu le monde, le public, rafraîchir le public, rafraîchir les artistes aussi, en les mettant dans la nature, sans électricité. En les sortant de leur confort, quelque part. Exactement. Mmh. Les bénévoles aussi, les producteurs, les institutions qui soutiennent, les rafraîchir aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les mêmes choses qu'au XXe siècle, ou est-ce qu'on bascule dans le XXIe siècle et on l'invente? Il faut rafraîchir le monde en permanence. Nous le savons, nous avons besoin de rafraîchissement quand on a soif, par exemple, on crève la soif, on va mourir, eh bien il faut se rafraîchir. Quand on est en sueur, on a besoin de prendre une bonne douche pour se rafraîchir soi-même, se rafraîchir les idées. La fête déduit, c'est un rafraîchissement artistique. Je fais tout pour, et par rapport à la radicalisation que je parlais autour de la culture, qu'est-ce que je peux dire de ça? Elle est quand même réfléchie, j'imagine, cette radicalisation. Oui, c'est ça. Elle reste ludique. Mmh. Elle reste ludique parce que le créateur est un poète. C'est le propos, peut-être, qui évolue. Mais bien sûr, exactement. Donc, il y a des thèmes chaque année autour de la fête déduit. On sort du désir, du thème de l'engagement, du thème du libre arbitre, qui sont des thèmes qui sont importants pour moi. Pour cette année, aller au thème de l'altérité. L'altérité, c'est l'autre, c'est l'acceptation de l'autre, la reconnaissance de l'autre, le respect de l'autre. Ce sont voilà, des valeurs qui sont importantes pour moi. Le fait d'éduire, donc c'est du 14 août au 19. Au 19 août. Et je parle de cette chose parce que c'est la fête d'éduire qui a fait naître la paillote que vous présentiez au début de cette émission. C'est-à-dire que moi, tellement amoureux des arts, tellement dans une folie de poésie, les premières fêtes d'éduit, je fabriquais un ponton flottant pour amener des gens sur une île, faire un parcours, croiser des artistes. Voilà, je mettais énormément d'énergie là-dedans. Et la première année, c'est une année de canicule. Les gens faisaient leur 1 km 400 de parcours sous un soleil incroyable. Et ils sortaient de là la langue pendue en me disant « Vous auriez pas à boire parce que c'est dur, là, on vient de marcher. » Et moi, j'y avais pas pensé du tout. J'avais pas pensé, j'étais dans cette folie de création. Je vais créer quelque chose sur cette île parce qu'elle est magnifique, parce que c'est l'endroit rêvé d'Orléans, le Duy Saint-Charles. C'est le plus bel endroit, c'est celui qu'il faut faire visiter en premier à des touristes ou à des amis. Parce que des cathédrales, il y en a d'autres dans d'autres villes, et des plus belles peut-être, des statues de Jeanne d'Arc, il y en a ailleurs, des maisons à colombages, il y en a partout en France, ailleurs. Mais une île de Loire sauvage, tout d'un coup, accessible au cœur de la ville, ça c'est rare. Alors j'étais dans cette folie, ouais, je fais ça, et puis les gens, à la fin, me réclamaient à boire, tout simplement, et puis, oui. Et puis un lieu convivial pour s'asseoir, et je n'y avais pas pensé. Discuter un petit peu, ouais. Tout simplement, je n'y avais pas pensé pour dire que ce projet était vraiment philanthropique. Parce que, effectivement, on met une buvette, tout d'un coup, ça rapporte de l'argent un petit peu, c'est une économie que l'on va faire, ce projet, finalement, d'ouvrir un espace convivial, il est venu de ce manque réclamé par le public de la fête des Duits. Donc très tôt, pour la fête des Duits, pendant 6 à 9 jours, ça dépend des années, j'ai fini par proposer l'organisation d'un espace convivial avec des transats, ce point de vue dont on parlait sur la vieille ville, un petit bar avec un espace gourmandise et puis un espace scénique avec une petite sono. Au départ, pour 9 jours, 6 jours, ça dépendait la durée de la fête des Duits. Et puis, je me suis aperçu que au fil des années, il y avait des gens qui venaient que sur cet espace, du quai de Prague à Orléans, qui ne franchissaient pas le ponton flottant, parce qu'ils l'ont déjà fait, ou parce qu'ils n'en avaient pas envie. Et je trouvais intéressant de le faire vivre un peu plus, ce lieu qui est un passage obligé pour aller à la fête des Duits, pour participer pleinement à la fête des Duits. C'est un passage obligé. Pour aller sur une île, il faut partir de la terre, de la berge. Oui. De la berge, voilà. Et donc, autour de la fête des Duits, on a fait vivre un espace, le point de vue. Le point de vue pendant quelques années. Et puis, j'avais en arrière-pensée, de toute façon, dès la création de la fête des Duits, j'avais en arrière-pensée que on crée une fête après avoir créé un lieu. Par exemple, la fête de l'école, qui va bientôt arriver, là, pour tous, elle n'existe que s'il y a l'école. Oui. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de fête d'école, c'est normal. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de fête des pères, etc. Quoi. Et moi, dans le passé, j'avais d'abord imaginé une fête. Donc donc un court moment, une fête, ça dure un court moment, donc la fête déduit. Mais toujours avec l'arrière-pensée de, s'il y a une fête, il faut un lieu pérenne. Il faut un lieu qui est là et qui est fêté chaque année. Et je souhaitais que ce soit un espace culturel de plein air, ce lieu pérenne que l'on fêterait de temps en temps. Et puis, du coup, bah, au fil des années de fêtes déduites, bah, est né ce projet de Payotte, espace culturel de plein air, qu'on a ouvert avec l'association Nanoprod, que l'on a ouvert un mois en 2015, le mois d'août. Oui. Alors, pas de chance, il faisait froid, il pleuvait tout le mois d'août. Mais ce sont les aléas des événements en extérieur. Mais oui. Tout simplement. Oui. Mais je suis têtu. Et tant mieux. Je suis têtu. Et en 2017 ou 2018, je me trompe dans les dates, peut-être en 2018, allez, on ouvre deux mois. Juillet, août, même mi-juin, parce qu'il y avait la Coupe du Monde de foot. Et là, donc la Payotte, deux mois et demi d'ouverture, et là, bingo, bingo, grand soleil, là, tout juillet et août. Ce qui, grand soleil veut dire, ben, du monde, tout voilà, simplement. Ouais. Les gens sortent, commencent à découvrir la Payotte, espace culturel de plein air, commencent à comprendre la philosophie que l'on met derrière. La mairie d'Orléans, qui soutient le projet, comprend un peu mieux l'intention, pourquoi faire de ce côté de la Loire quelque chose alors que Orléans... Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est que la Payotte est plutôt côté sud. Elle est côté sud. Elle est côté sud. Oui, oui. Et du coup, c'est un espace, la rive sud, qui est moins exploitée, oui, sur le plan culturel plutôt que son versant nord, quoi. Ah, complètement. Donc il y avait un espace à prendre aussi, là. Il y avait un espace à prendre. Alors... Dans mes créations, il y a plusieurs espaces à prendre. Je parlais de la fête des Duits tout à l'heure. L'espace que j'ai pris, c'est effectivement le Duit Saint-Charles, une île de Loire, qui était réservée jusqu'ici à la faune et la flore. Je me suis dit, bah, puisque c'est un sanctuaire de la nature, l'homme faisant partie de la nature, mettons l'homme aussi dessus, avec le castor, avec la loutre, avec les fleurs, voilà. Mais pas n'importe quel homme, l'artiste, ouais, tant qu'à faire, qui va pouvoir témoigner. Donc là, il y a eu une prise de territoire physique, mais également, pour la fête des Duits, une prise de territoire temporelle. La fête des Duits, vous l'avez compris, elle se situe autour du 15 août. La première édition a eu lieu en 2011, pour un projet que j'avais écrit déjà en 2004. Et ce que j'avais remarqué, c'est que nous étions dans une grande ville un peu morte au mois d'août. Parce que les décideurs se disaient à l'époque, bah, on ne va rien faire, il n'y a personne dans cette ville. C'est pas possible, absurde. Ok, le décideur, lui n'étant pas là, il imagine que tout le monde part avec lui. Et puis, il a raison, il est sur l'autoroute, dans les bouchons. Il se dit, tiens, autour de moi, c'est tout Orléans qui descend avec moi, oui, sur la Côte d'Azur. Mais c'est pas la réalité du tout. C'est pas parce que un décideur a les moyens culturel, financier, organisationnel. Merci. de partir que tout le monde part. Et, oui, et pour moi, c'était une absurdité. D'autant plus que je remarquais qu'à Orléans, bah, les bibliothèques de quartier étaient fermées. Bah, parce que le responsable était en vacances tout le mois d'août. Alors, on ne pouvait plus aller à la bibliothèque de l'Argonne, celle qui est en face de la radio, là. Au Blossière, à Madeleine, des bibliothèques fermées, mais de fin juillet à début septembre. pour moi, ça signifiait cette ville fermée, éteinte, oui, fermée. Éteinte, ça signifiait que on s'accorde que pendant un mois, on ne va plus se cultiver. On ne va plus cultiver les plus jeunes et on laisse faire ben, le divertissement, l'oisiveté. Très bien pour l'oisiveté, mais on laisse faire aussi l'ennui. Un jeune, moi-même, quand je l'étais, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais brûler des poubelles. Et puis peut-être brûler des voitures. Et puis, faut bien que je m'occupe. La bibliothèque est fermée. Les théâtres sont fermés. Les compagnies de théâtre, de danse, de musique sont plutôt en vacances. Il n'y a plus de festival. Il n'y a plus rien. Et je me suis emparé de cette temporalité je me suis emparé de cet espace temporel en affirmant, moi je vais faire autour du 15 août, la période la plus creuse de l'année sur cette agglomération, moi je vais faire pour ceux qui sont là, pour ceux qui restent, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, pour ceux qui ont envie de se cultiver même au mois d'août, pour rendre attractif notre ville aussi, pour les touristes qui viennent, pas qu'ils trouvent une ville morte. Et j'ai imposé cette fête des Duits à ce moment-là. Et là, j'ai pris possession aussi d'un espace temporel, en plus d'un espace physique. C'est la fête des Duits, ça a lieu du 14 août au 19 août. Mais j'imagine qu'il a fallu quand même aussi l'accord, l'aval de la municipalité d'Orléans, et peut-être, je ne sais pas s'il y a un organisme qui gère le fleuve, mais il a fallu peut-être avoir peut-être des autorisations ou des accords de principe. Tout à fait. Pour investir ce lieu. Ouais. Bien sûr, il y a une autorisation d'occupation du territoire qui est donnée par l'État, donc par la préfecture, puisque l'île des Duits, les Duits et le fleuve et les berges appartiennent à l'État. Voilà, donc il y a effectivement pour traverser, pour aller sur les îles, il y a une demande d'autorisation qui a été faite dès l'origine à la préfecture. La première année de fête des Duits, il n'y avait pas le ponton flottant encore. On amenait le public en bateau. C'était chouette, hein, c'était vraiment très très agréable. Puis après, il y a eu cette formule ponton flottant pour accueillir plus de monde. Et puis parce que on peut marcher sur l'eau. Et puis sur la rive, bah, une autorisation, bien sûr, de la ville. Et puis d'autres villes, puisque la fête des Duits, c'est rendu également à la chapelle Saint-Mémin pendant deux années. C'est un modèle qui peut s'exporter autour de la Loire. Oui, déjà parce que je l'ai appelé la fête des Duits, et des Duits qui sont une construction de l'homme pour canaliser la Loire, pour qu'elle reste navigable quand l'étiage est très bas. Des Duits, on en a tout au long de la Loire. Cette fête des Duits, c'était pour moi à l'origine la fête d'Orléans. Donc le Duit Saint-Charles, j'ai utilisé d'autres Duits. Hein, j'ai dû utiliser le Duit d'Orléans, le Duit de Saint-Jean-de-Bray. Il y en a trois sur l'agglomération d'Orléans. S'exporter, c'était le... un peu plutôt la fête du fleuve, la fête de, je disais la fête de la ville, mais oui, également la fête du fleuve. Aussi, oui. Finalement, puisqu'on se retrouve au milieu du fleuve, Loire. Voilà. Et donc, autorisation, bien sûr, et puis faire accepter aux gens cette idée, parce qu'il y a toujours besoin d'une association. Puisqu'on est sur une émission qui parle de l'association, une association vit grâce au soutien privé, au soutien public, au soutien bénévole, Sinon ça n'existe pas. Donc il a fallu convaincre à la fois les copains, les copines, du bien fondé, du projet, et puis les administrations, tout simplement, quoi. Les administrations, j'allais régulièrement les voir avec les cartes postales de la ville. Et là, on va plutôt parler de la Paillotte. J'achetais, en allant les voir, j'achetais des cartes postales. Et je leur montrais cette carte postale en leur expliquant, voilà, je veux créer des événements, d'où est pris cette carte postale. Voilà. Parce qu'il n'y a rien qui se passe depuis cet endroit-là. Ça me paraît pas normal. Ça me paraît pas normal. C'est comme si, à Paris, on achetait des cartes postales, voilà, et on n'allait jamais sur le Trocadéro pour voir la Tour Eiffel. Il se passerait rien au Trocadéro, on l'ignorerait. Et bien là, le point de vue de la fête des Duits, qui est devenue la Paillotte, c'est l'endroit d'où est pris la photo, les photos en général, les photos d'Orléans qui sont ramenées, qui sont envoyées. Ouais. C'est là, et ça me paraissait évident d'y inviter les touristes, les citoyens aussi, qui ne connaissaient aussi pas forcément. Peut-être les habitants même d'Orléans, de la rive sud. Mais en premier lieu. À redécouvrir aussi ce lieu-là. Mais en premier lieu. Parce qu'on y passe, on y voit souvent des joggeurs qui passent. Il y a un air pour jeux d'enfants. Enfin, oui. Des gens circulent aussi, mais sans forcément prêter attention au panorama qu'on a sous les yeux. Et tout à fait. Et la fête des Duits est devenue une vraie fête de quartier avant tout. Et j'y tiens. Moi, je vis dans ce quartier de Saint-Marceau. C'est devenu une fête de quartier. Et puis la Paillotte est devenue la place publique du quartier où les gens viennent se rencontrer. Ouais. Eh ben, on va parler de la Paillotte. On va marquer une petite pause musicale. On va écouter tout de suite Camille Bazbaz. Allô, Papa Tchango, c'est sur le bout de la langue. J'entends très bien. Ici Papa Tango Charlie, me laisserez-vous enfin? Je n'ai plus besoin de vous. Je vole par vent debout. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô Papa Tango Charlie, allô Papa Tango Charlie, répondez-nous, vous cherchons. Charlie, allô Papa Tango Charlie, vous n'allez pas d'habitude vers le triangle des Bermudes. Ici Papa Tango Charlie, je vous entends déjà moins bien. Ici Papa Tango Charlie, auriez-vous compris enfin? J'ai perdu celle que j'aimais, ne la retrouverai jamais. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô Papa Tango Charlie, allô Papa Tango Charlie, répondez-nous, vous cherchons. Allô Papa Tango Charlie, allô Papa Tango Charlie, vous perdez de l'attitude sur le triangle des Bermudes. Ici Papa Tango Charlie, je n'entends cette fois plus rien. Ici Papa Tango Charlie, vous m'avez laissé enfin. Mon avion est comme fou, moi je me moque de tout. Je vais noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Allô Papa Tango Charlie. Allô, Papa Tango Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. Allô, Papa Tango Charlie. Allô, Papa Tango Charlie. Qui te répond sur l'attitude du triangle des Bermudes? Non, non, non. Côté association, Fabien Dumas, Radio Arc-en-Ciel. On écoutait bien sûr Camille Bazbaz avec le titre Papa Tango Charlie. Je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux en présentant le titre. Alors sachez que Camille Bazbaz sera au New Morning le 28 novembre prochain. Alors Arnaud Métivier est dans les studios pour nous parler de la fête des Duits également, mais aussi de la paillote. Et il nous fait la gentillesse de nous présenter un single. Alors on va l'écouter tout de suite, c'est La Marche de la Reine. Et puis après Arnaud nous en parlera peut-être brièvement avant d'enchaîner sur la paillote jusqu'à 15h. On écoute tout de suite Arnaud Métivier, La Marche de la Reine. Alors j'ai un petit souci avec la console son. On écoute, est-ce que ça part là? Alors, j'ai pas de retour dans mon casque. Je pense pas qu'on puisse écouter, donc on va enchaîner tout de suite avec Arnaud Métivier, peut-être, qui peut nous présenter ce morceau, le temps que j'essaie de trouver le petit problème technique à ce malentendu, simplement. Je vois pas. Alors, tout à fait. La Marche de la Reine, alors. La Marche de la Reine, c'est l'extrait d'un album éponyme, La Marche de la Reine. C'est une composition que j'ai fait il y a quelques années à partir d'une pièce chorégraphique et ce que l'on va peut-être écouter est un extrait. On va l'écouter, je pense. Ouais. C'est un extrait, mais la particularité de ce disque, c'est qu'il existe. Le public peut le commander via mon site internet nanomusic.fr. On peut commander ce disque, mais le recevoir qu'après la dernière révérence de la reine Elisabeth II. Sortie de l'album est au décès de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire... La date, pour l'instant, est inconnue. Est inconnue. Et heureusement pour elle. Tout le monde sait qu'elle est immortelle. Oui. Bien sûr. Mais ne sait-on jamais. J'ai prévu une date de sortie d'album le jour où la dame Elisabeth tire sa dernière révérence. Eh bien, je pense qu'on peut l'écouter. Le disque existe donc, 10 versions de ce titre, et une seule personne a écouté ce disque actuellement, c'est la reine Elisabeth II, à qui je l'ai envoyé, qui m'a gentiment répondu. Voilà. Ces remerciements, les autres l'écouteront après. C'est normal qu'elle ait eu la primeur quelque part de l'hommage qui lui était rendu. Tout de même. Eh bien, on écoute La Marche de la Reine. Côté association, Fabien Dumas, Radio Arc-en-Ciel. Et voilà, c'était un titre inédit d'Arnaud Métivier, La Marche de la Reine, avec une sortie d'album, j'ai envie de dire, originale. Alors, on peut continuer. Peut-être que la reine viendra un jour à la Paillotte. Qui sait hein, si, Moi, je crois aux choses. Je crois au Père Noël. Voilà, je veux croire aux choses. Et le créateur doit croire aux choses. C'est-à-dire que voilà, me retrouve dans ma vie sur le point de vue le plus emblématique d'Orléans, le plus beau, le plus impressionnant. Je me dis, mais il faut faire quelque chose là. Je le rêve et je le fais. Finalement, parce que le rêve, le désir amène la création, et il faut croire à la vie, à la création, pour avancer. C'est comme ça qu'est née la Paillotte, espace culturel de plein air, quai de Prague à Orléans. C'est la rive sud, c'est la rive gauche. Quand on descend le pont royal, hop, à droite. Exactement. Tout de suite. Magnifique point de vue sur la ville, je l'ai dit, et un espace culturel de plein air. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'on accueille à cet endroit-là les arts, la culture. Donc, qui va de l'atelier livre au stage de cirque. Hein. Il y aura un stage de cirque fin juillet. Alors tout ça, on va retrouver ces informations-là sur le site internet de La Paillotte. Le stage de cirque, c'est du 22 au 26 juillet. Tout à fait, merci. Au bord de Loire, ouais. En plein air. Peut-être qu'on peut donner le numéro d'Aurélien qui reçoit cette inscription. Alors, c'est ouvert aux enfants et aux adultes. Oui. Hein, donc, on peut joindre Aurélien au 06 49 28 94 46. Et on retrouve également toutes ces informations-là sur le site nanomusique.fr. Oui, tout à fait. Donc, stage cirque en plein air. La Paillotte est devenue, il y a tous les vendredis soirs à 18h30, il y a une séance bien-être avec le club de gym voisin, puisqu'on fait travailler aussi les commerçants alentour. Ça fait, À la Paillotte. Donc, séance bien-être. Donc, tous les vendredis, séance bien-être. Tous les vendredis. Tous les vendredis avec l'ESDO. Voilà, il faut appeler Véronique, mais là, tout ça est écrit sur le site internet. Mais La Paillotte, c'est aussi de la musique, du théâtre, de la danse, des expositions, d'art contemporain. De la création manuelle également. Oui, tout à fait, des ateliers divers. J'ai vu que le 29 juin, il y a un atelier de création de suspension pour les plantes. Et j'ai vu quelques photos, c'est vrai que c'est des suspensions originales. Mais tout à fait, on accueille des créateurs comme un espace culturel de plein air avec différentes langues, la langue des signes d'ailleurs. Oui, ça c'était fin mai avec un qui atelier. Est ouais. Très présente, il va y avoir des ateliers braille. Il va y avoir de la musique russe traduite en direct, de la chanson russe traduite en direct, parce que cet espace culturel que je veux endémique, c'est-à-dire fait de choses qui existent ici, à Orléans, dans la métropole, dans la région centre, eh bien, c'est fait de gens qui parlent en français, qui parlent portugais, qui parlent russe. Et on accueille tous ces langages artistiques, toutes ces langues parlées ou signées. Il y a l'idée d'un grand rassemblement à La Paillotte de culture, tout simplement. Donc, de l'art contemporain, de l'art vivant, un peu tout le temps. Au sens où il n'y a pas un jour préféré de musique ou de danse, c'est faut suivre le programme. Oui, parce que La Paillotte est ouverte. Alors là, le jeudi et le vendredi de 17h à 22h en ce moment, le samedi 16h à 22h, et le dimanche et jour férié 16h à 20h, mais elle sera ouverte aussi le mardi, mercredi à partir du mois de juillet. Et oui, évidemment, parce que. Donc une ouverture non-stop, quoi. Oh, on se garde le lundi, nous, pour dormir. C'est utile. Parce qu'il y a beaucoup de monde depuis le 30 mai, ça ne désemplit pas. Nous avons, avec l'association, investi en plus dans un dôme qui fait 70 mètres carrés. Et très joli. On continue à voir quand on est sous ce dôme, on continue à voir les beaux paysages de Loire. Mais on est à l'abri en tout. On est à l'abri de la forte chaleur ou de la pluie. De la forte chaleur, du vent. Donc, ce qui signifie que la paillote, elle peut exister tous les jours. Quoi qu'il arrive, même s'il fait froid, même s'il y a du vent, la paillote est ouverte. En plus, Agnès, qui s'occupe, qui est gérante de la paillote, puisqu'il faut bien une référente, elle est là, en pleine forme, avec une envie énorme de recevoir tous les touristes, les Orléanais, les gens du quartier. Donc c'est plutôt un espace ouvert, complètement ouvert. Il n'y a même pas à se poser la question, est-ce que ça sera ouvert? Évidemment, s'il y a tempête et que le préfet dit il faut fermer tout, on n'est pas fou, mais la paillote est ouverte. Et voilà. On y va, on y vient en fin d'après-midi pour passer la soirée. C'est plutôt les fins d'après-midi. Les spectacles ont lieu vers 19h30. Le dimanche et les jours fériés vers 18h, c'est plutôt un espace apéritif finalement. Alors qu'est-ce qu'on peut justement déguster? Est-ce qu'il y a de la cuisine locale? Est-ce qu'il y a des produits frais, locaux qui sont... Alors il y a des salades effectivement qui viennent d'ici. Et dans les circuits courts, mais là vous allez rigoler parce que pour moi le circuit court c'est aussi ce qu'on a dans les poches. Et moi qui voyage énormément avec Nicolas Capdevielle qui est le président de l'association Nanoprod, nous voyageons énormément, donc nous avons des produits dans les poches que l'on ramène à Orléans et qui deviennent du circuit court puisqu'ils sont dans nos poches. Oui. On va pas les chercher exprès, et par exemple moi qui fréquente énormément la Corse, j'ai dans les poches de la charcuterie corse. Qui n'est pas la dernière. Hein. Qui est loin d'être la dernière, et je sais d'où elle vient, de la montagne d'où elle vient. Je connais les cochons avant qu'ils se transforment un petit peu. Donc, on y trouve aussi de la charcuterie corse. Et idem pour mon ami président de l'association Nicolas. Lui, c'est les Pyrénées. Et dans ses poches, il ramène du fromage des Pyrénées. Et donc, nous voilà avec des assiettes charcuterie corse. Charcuterie corse et fromage des Pyrénées, et puis voilà, plein de petits frichetis à grignoter, des boissons. Effectivement, il y a un espace gourmandise, un espace buvette dans ce que j'appelle l'espace culturel de plein air. On y additionne des fantaisies que sont les meubles en palette qui sont là tout le temps, qui peuvent accueillir des gens confortablement. Des fois, il y a des canapés en cuir que l'on met à disposition, les hamacs, les transats, arrive quelquefois le trampoline, il y a des ballots de paille qui traînent. C'est la fête du village, la paillote. C'est vraiment devenu un lieu convivial de rencontre dans cette grande ville. Nous sommes à la paillote, à la campagne, mais en plein centre-ville. Il y a les animaux sauvages qui sont là. Oui, j'ai vu qu'il y avait des oies et des canards. Exactement, c'est génial. Alors, c'est pas vraiment nous, on va l'avouer, quoi. C'est pas l'association Nanoprod qui les a amenés. Mais c'est ceux qui sont sur le bord de la Loire. Ils étaient là, mais ils sont là. Donc, c'est vraiment un endroit formidable. Et je l'entends dire des touristes qui arrivent là à la paillote. Mais quelle chance d'avoir ce lieu en plein centre-ville. Pouvoir se poser entre amis, boire un verre et puis avoir cette vue. Ouais. Et pourquoi pas avoir un artiste qui se produit devant nous. C'est aussi un moment typiquement français, peut-être. Oui. Oui, exactement. Et en plus, l'espace, il est généreux, donc grand. Ça veut dire que si on n'est pas intéressé par un concert, on peut s'éloigner, on n'est pas gêné. Il n'y a pas une sono qui arrose tout. Moi, je refuse cette chose-là. Il y a plein d'espaces qui vivent en même temps. On peut être à un atelier langue des signes pendant qu'il y a un concert, pendant qu'il y a un atelier lecture. Il y en aura trois, même bien plus, je crois. Mais il y en a déjà un le 23 juin. Voyage littéraire. Mes c'est... livres, je partage, j'aime. Ouais, voilà, c'est Annie Lep, une bénévole de l'association qui fait ça. C'est sur des échanges d'idées de bouquins. C'est intéressant. On a aussi de l'art audiovisuel avec des écrans. Des fois, je pense à Nenu qui vient le 4 juillet. Il fabrique des films. Des dessins animés qu'il met en musique, et puis on reçoit par exemple l'école d'accordéon d'Ingré jeudi 20 juin le 20 juin, c'est génial ça. Et c'est... ce soir 19h30, Damien Gontier, oui, de sa guitare, un auteur-compositeur de la région, parce que j'ai envie de soutenir la création locale. En lui offrant cette création locale, un lieu pour répéter, pour se présenter au public, ce que j'appelle la programmation orléandémique. Voilà, c'est le terme que j'ai imaginé pour ça, une création orléandémique. C'est une création que l'on ne va pas trouver ailleurs. Et je pense notamment, si je vois que dimanche prochain, on va recevoir Joanne Tillet avec son saxophone. Oui, Joanne Tillet qui joue dans d'autres formations. Exactement. Moi, j'ai croisé avec Jartel. Tout à fait. Qui était venu aussi à la Payotte. Exactement. Mais ce qui me plaît là, par exemple, c'est de prendre un musicien d'un groupe et de l'extraire du groupe et de lui demander de se présenter artistiquement, tout seul. Donc, ça veut dire que dimanche à 18h, solo de saxophone, solo pendant 1h15, Joanne Tillet va s'exprimer comme Stéphane Montigny, dimanche dernier, s'est exprimé au trombone. Ouais, son trombone, ouais. Et ça me plaît de montrer aussi des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir. On va avoir de la danse contemporaine aussi sur cette payotte. Il y aura du théâtre, des lectures, un vrai centre culturel, un vrai espace culturel gratuit et en plein air. Pour qu'il devienne gratuit, bien, il faut le soutien des institutions. Là, bien c'est sûr. La ville d'Orléans qui soutient logistiquement, un petit peu financièrement. On fait appel aux dons, évidemment, puisque association, on l'a dit tout à l'heure, ça fonctionne avec Peut-être des subventions parfois, des dons aussi. On a le droit, nous sommes une association, Nanoprod est une association à but non lucratif, évidemment, mais d'intérêt public, donc les dons sont aussi déductibles des impôts. Voilà, si vous souhaitez donner 1 milliard d'euros à Nanoprod, sachez que nous les acceptons. C'est possible. C'est possible. Et en plus, vous ferez des réductions d'impôts. Donc, n'hésitez pas. Nous, ça nous permet de financer les artistes. Surtout. C'est ça le but final de la payotte. C'est de vendre des gourmandises, de vendre des boissons. Alcoolisé ou non, et ce qui nous permet de financer des artistes. Et c'est important. On arrive au terme de l'émission, Arnaud. Si, alors, je pose une question traditionnelle dans l'émission. Voilà, si la payotte devait se transformer en autre chose ou prévoir un projet qui sortirait de ses cordes. Qu'est-ce que ça pourrait être? En quoi la payotte pourrait se transformer? Ou en quoi la payotte pourrait investir d'autres champs, d'autres lieux, je ne sais. Eh bien, le projet de payotte, c'est de l'ouvrir toute l'année. Alors, peut-être pas dès 2020, certainement en 2021, que cet espace culturel de plein air, la payotte, soit ouvert toute l'année. J'ai envie de commencer par les vacances. Les vacances scolaires, peut-être à Noël, dès Noël, là, une petite ouverture, là, pendant 15 jours, de la payotte, sous le dôme. Le dôme, on a investi dans le dôme exprès pour pouvoir accueillir les gens, même s'il fait froid, même s'il y a des chauffages de terrasse qu'on peut trouver. Exactement. Donc voilà, la payotte pourrait devenir un espace culturel de plein air toute l'année. progressivement, à faire progressivement. Il faut le temps de faire comprendre cet objectif, de faire comprendre le sens que ça peut avoir, cette chose-là, à la fois pour les publics, pour les institutions qui soutiennent, et puis également pour les artistes. Quoi, je vais jouer à Noël, dehors? Oui, mais il fait chaud, c'est sous abri. C'est possible. C'est quand même sous abri, voilà, c'est quand même possible. Donc voilà, un avenir de la paillote. Nous avons besoin de financement, ça c'est... on trouve beaucoup de logistique, on trouve beaucoup de bénévolat, mais à un moment donné, il faut du cash. Aussi, le cash, c'est important. Le cash, l'argent, le chèque, la carte bleue, peu importe. Ça peut faire avancer les projets et faire perdurer. Exactement, les bonnes volontés sont magnifiques. Les bénévoles sont superbes, là, une énergie formidable. C'est essentiellement des bénévoles qui reçoivent à la paillote. Il y a Agnès a été embauchée cette année pour qu'on puisse ouvrir tous les jours, être sûr d'ouvrir tous les jours, mais ce sont des bénévoles qui vous accueillent à la paillote jusqu'au 22 septembre, du jeudi au dimanche du mois de juin, puis en juillet et août, du mardi au dimanche, 17h, 22h à peu près. Théâtre, musique, danse, performance, art plastique, tralala, et tout le tralala. Bienvenue par tous les temps à La Paillote, espace culturel de plein air. Eh bien, merci Arnaud, c'est le mot de la fin. Il est 15h passé de 1 minute et quelques secondes sur Arc-en-Ciel. Alors, il y a un décalage avec l'horloge du studio, en effet. Arnaud, merci de cette émission. C'était un moment agréable passé avec vous. C'est gentil. Et je donne rendez-vous forcément aux auditeurs et auditrices à La Paillote ce soir pour aller voir Damien Gontier à 19h30 et puis demain encore et puis après-demain, dimanche, Joanne Tillet, son saxophone. Parfait. Bienvenue à tous. Très bien. Bonne fin de journée, Arnaud. Au revoir. Et puis Arnaud, au revoir, à bientôt. Amis auditeurs, auditrices d'Arc-en-Ciel, il est 15h passé de 2 minutes. On enchaîne avec Césaria Evora en attendant le groupe tropical de Chantal qui arrive tout de suite. Já chegou a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor, para bem viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, mãe África está sempre de um dia. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. De Kentek, Senegal, a Cabermane, Soreul, Sumoya, Bone, Nyari, Rio e Benalé. Samagente, Guimangui, Nyan, Yala, Wan, Mako. África, Don Benare, Ondaria, Dissonuia. África, África, África, Yamanga Yelo, Yamanga Ifanan. África, África, África, Yamanga Yelo, Yamanga Ifanan. Consciência já desanuviar, já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor, para reviver na página progresso. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. Tomo África, nani bolo de Japante, punho Japante, gana amdole. Con samagente gui mangui Africa don ben rew ndax modi suñu ya Africa Africa Africa yamangay lo yamangay fanan Africa Africa Africa yamangay lo te yamangay fanan Africa suñu time.